élections présidentielles. C'est du show business. Les gros scandales qu'on révèle. C'est du show business. Les bombardiers nouveaux modèles. C'est du show business. Les politiciens qui s'en mêlent. C'est du show business. Un président qu'on assassine. Il s'en fout show business. Et les témoins qu'on ratatine. C'est un show business también. Un peuple qui meurt de famine. Nazis, show business. L'agitation en Palestine. C'est du show business. Tourner, tu cours sans arrêt. Et ton pied gauche, merde, on va pas t'en sortir. Et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Merde, Marcel, remonte-moi ces lampes, merde. Oh là là là là. Oh, bien, Guylaine, merde, fais le tour. Tu vois bien qu'on répète. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh, les pommiers. Et on se pousse à toi. Fais le tour. À ce point-là, ça peut pas s'arranger. Le marteau, Clément. Quel idiot d'avoir été chercher cette folle. Você cano samba, cano samba, caçamba, o tumbalele, tumbalele, olala, tumbalele, tumbalele, olala, tumbalele, tumbalele, olala, tumbalele, tumbalele, olala, tumbalele, tumbalele, olala. Se você não samba. Samba, oh tumbalele, tumbalele, oh la la. Tumbalele, tumbalele, oh la la. Tumbalele, tumbalele, oh la la. Tumbalele, tumbalele, oh la la. Tumbalele, tumbalele, oh la la. Good night.